Approchez, Angélique. Vous venez à propos. Je voulais vous parler. Me voilà prête à vous ouïr. Attendez. Donnez-moi mon bâton, vite. Je vais revenir tout à l'heure. Allez vite, monsieur, allez. Monsieur Florent nous donne des affaires.